alors que tout explose et que le joueur de flûte joue un air maléfique, tous ces signes annoncent sa malheur.